Metal Express avec Eric. Eh bien, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, heureux de vous retrouver donc comme chaque lundi de 19h à 21h et ce soir donc ce sera le spécial Metal 80. Je vous rappelle donc que vous nous écoutez sur Radio Heavy Metal, Fréquence Zik, Indé Spirit et Radio Bourrin. Allez, on a sorti pas mal de choses ce soir dans les placards, que des vieilleries puisque c'est du spécial Metal 80. On va commencer avec le groupe Viva, le morceau s'appelle Falling in Love. C'est sorti en 1982, allez bonne écoute! Je vous rappelle que c'est Eric avec vous jusqu'à 21h, allez! En attendant, voici Viva! Women. L'album s'appelait Death of a Night, le groupe Viva avec le morceau Falling in Love. C'est sorti en 1982. Allez, voici Queensryche, extrait de leur premier album sorti en 1984 qui s'appelait The Warning. On écoute le morceau Child of Fire. Excellent premier album donc, du groupe Queensryche au nom de The Warning, le morceau qu'on vient d'écouter, Child of Fire, qui est sorti en 1984. Allez, voici le groupe Sodom, le morceau qu'on écoute, Of Break of Evil. Bonne écoute dans le Metal Express. Un excellent morceau donc du groupe Sodom avec le morceau Of Break of Evil, extrait de l'album Persecution Maniac sorti en 1987. Metal Express. Metal Express. Metal Express. Metal Express. Allez, voici nos petits japonais de Loudness, s'appelle Tis Lonely Heart, extrait de l'album Hurricane Eyes, sorti en 1987. Oh, un excellent morceau donc de Loudness, le titre Tist on the Altar. Allez, voici dans le Metal Express Michael Schenker Group. On écoute Armed and Ready. Bonne écoute dans le Metal Express. Ahmed and Ready, le groupe Michael Schenker Group, c'est sorti en août 80 et c'est produit par Roger Clovers. Allez, voici Dirty Looks, ça s'appelle Get Back. Like a lion's jaw, every night when I look at you, L'album s'appelle également Dirty Looks. Le morceau qu'on vient d'écouter, Get Up, sorti en 1985. Metal Express. Metal Express. Metal Express. Alors que voici Gary Moore avec le morceau Nuclear Attack. En attendant, je vais en profiter pour annoncer donc, n'oubliez pas, le 9 mars au Havre, au MacDays, le groupe Dirty Dogs en concert avec Distillery. Venez-y nombreux et nombreuses. Allez, voici Gary Moore. Gary Moore, donc un excellent guitariste et chanteur nord-irlandais, né le 4 avril 52 à Belfast et mort le 6 février 2011 en Espagne. On vient d'écouter donc le morceau Nuclear Attack. Et légendes. Les mythes et légendes. Quand la réalité dépasse la fiction. Dépasse la fiction. Les mythes et légendes. Les mythes et légendes. Allez, voici Angel del Infierno. Angel del Infierno avec le morceau Con las Bosta Cuesta. Allez, voici Fountain Blue, ça s'appelle Walk Call It's Love. Bonne écoute dans le Metal Express. Je vous rappelle que c'est Eric avec vous jusqu'à 21h. Oh, L'album porte le nom du groupe Fontainebleau, avec, on a écouté pardon, le morceau Wild Call It Love, et c'est sorti en 1989. Allez, voici Q5, ça s'appelle Still the Light. Bonne écoute! Take it. morceau porte le nom de l'album Still the Light, le groupe Q5 donc, et c'est sorti en 1984, c'était leur premier album. Metal Express. Metal Express. Metal Express. Metal Express. Allez, voici Kiss, le morceau qu'on écoute, King of the Mountain. Bonne écoute. Ah, il y a du bruit là. Donc à l'instant dans le Metal Express, c'est sorti en 1985, extrait de l'album Asylum. On a écouté le morceau King of the Mountain. Allez, voici nos amis allemands de Scorpion. Voici Bad Boys Running Wild. We'll be right back. le 9e album donc, de Scorpion, Love Are Fasting. On vient d'écouter à l'instant Bad Boys Running Wild. Metal Express. Metal Express. Metal Express. Metal Express. J'en profite pour vous redonner la date donc du groupe Dirty Dogs qui seront donc le 9 mars au Havre au McDez avec le groupe Distillery. Donc venez-y nombreux et nombreuses, ça démarrera à 20h. En attendant, voici Rainbow avec le morceau Eyes of the World. Bonne écoute dans le Metal Express. Et je vous rappelle que c'est Eric avec vous jusqu'à 21h. I see. À l'instant, donc, dans le Metal Express, le groupe Rainbow avec Eyes of the World, extrait du quatrième album qui est sorti le 28 juillet 1979. L'album s'appelle Down to Earth, le groupe Rainbow. Allez, voici Joan Jett, ça s'appelle Dirty Deeds and Jett. La première donc, c'est donc de la part de Valérie Aigle-Roba pour son mari Henri, également pour une grosse pensée à son papa Bernard, parti en 2012, qui était un grand fan de métal et qui connaissait entre autres Patrick Roy, qui comme moi vous le saviez était défendeur du métal. En attendant, voici donc Europe qu'elle m'a demandé, The Final Countdown, suivi de Whitesnake, avec le morceau Don't Break Me Out Again. Et on aura le droit à Skid Row. Allez Valeria, ça, tout ça, c'est pour toi. groupe Skid Row, donc avec Piece of Me. Et juste avant, on a eu Whitesnake ainsi que Europe. Donc c'était de la part de Valeria Roba pour son mari Henri et également pour son papa Bernard. Voilà. Donc on va passer un petit jingle. Que le métal soit avec toi. Que le métal soit avec toi. Allez, voici Anthrax, ça s'appelle And the Man. Ça, c'est pour Jojo de lui-même. Yo, man, what's the matter with you? Get it the next time, I mean it. Charlie, beat the beat, the beats you beat! The only thing hard is the smell of my feet. So listen up, cause you might get dissed. Don't train the lizard or take a chair. Man, yo, what's the beat? I'm on your case, I'm in your face. I'll kick you in your father back and fight. Step outside your husband's name, don't you know that? I'm the man, I'm the man. I'm so bad, I should be the catcher. Sleeping late. They drink the drinks, the drinks they drag. They put my money in the bag. They cut their crack, they offer drugs. We don't do drugs, do you get off? Meaning? Point that, point that's the beat. I'm on your case, I'm in your face. Make you and your brother back and wait. Step up, suck your understand. Don't you know that? I'm the man, I'm the man, I'm bad. I'm so bad, I should be the dead. Different way. We like to be different, not cliche. Well, they say rap and metal can never mix, but all I'm thinking. Sexual organ located in the lower abdominal area. No, man, it's. Ow! Ow! Face. Toilet paper. Yo, watch the beat. Yeah. I'm on your case, I'm in your face. Looking you in your father back and wait. Step on sucker, understand. I'm the man. I'm the man. I'm the man. I'm bad. I'm so bad that should be detention. I'm the man. Le groupe Anthrax, I'm the Man, demandé donc par Jojo, il se le dédie à lui-même. Donc c'était un EP sorti en 1983. Voilà, donc maintenant on va passer à une autre dédicace. C'est toujours pour Jojo, donc ça s'appelle Beastie Boys. No sleep till... Et le morceau qu'on va écouter, No Sleep Still Broken. Cause I'm feeling that it's more. Cet album donc est sorti en 1986. Cet album s'appelle Listen Set to Three et le groupe s'appelle Beatsteel Boys. Le morceau qu'on a écouté, No Sleep Still Brooklyn. Et c'était donc pour Jojo, il se l'est dédié à lui-même. Metal Express. Metal Express. Metal Express. Metal Express. Allez, ça c'est une dédicace encore, c'est pour Pierrot. Il est en vacances, il a de la chance, il est dans le sud. Allez Pierrot, ça c'est pour toi, voici Trust Ideal. Bonne écoute. L'album s'appelait tout simplement Trust, c'est sorti en 1982, et là, à l'instant, on vient d'écouter Idéal. Donc c'était pour mon ami Pierrot. Metal Express. Metal Express. Metal Express. Metal Express. We'll be right back. Allez, ça c'est une autre dédicace encore, c'est Abaddon Louis Chameau. Ça c'est Metallica Creeping Death. C'est un morceau que je lui dédie. Extrait de l'album, bien sûr, Ride the Lightning. Bonne écoute dans le Metal Express. We'll be right back. Ride the Lightning, c'est pour moi la grosse baffe que j'ai pris dans la tronche un jour de 1984. Le groupe Metallica avec Creeping Death. Donc ça c'était pour mon ami Abandon Louis Chameau. Allez, ça c'est pour Valérie, pour son mari Hubert. Waouh, ça déménage. Allez, voici Metal Church, Highway Star. Everything. magnifique reprise donc de Deep Purple, le groupe Metal Church, avec le morceau Highway Star. C'était donc de la part de Valérie pour son mari Hubert de Nancy. Allez, voici Exodus. Le morceau s'appelle Strike of the Beast. Exodus avec le morceau Strike of the Beast, extrait de l'album Bad Dead Bad Blood, sorti en 1985. Voilà. Il n'est pas parti aussitôt, mais c'est parti. Voici Sortilège, le groupe français. Avec le morceau Marchand d'hommes, bonne écoute! Par le commerce des enfants, elle est belle. Sortilège est un groupe de heavy metal français originaire de Paris. Le style musical du groupe se situe entre Judas Priest et Iron Maiden, considéré par beaucoup comme un groupe culte de la scène française. Le groupe se sépare en 1986. Cet album porte l'album... L'album s'appelait L'Arme de Héros. En 1986, on vient d'écouter Marchand d'Hommes. Allez, voici Red Forester, Moby In for the Kill. L'album s'appelait Gone With The Wind, sorti en 1984. Red Forester avec Moby In For The Kill. Metal Express. Metal Express. Allez, j'en profite pour redire ce fameux concert avec Dirty Dogs. Donc, ce sera le 9 mars au Wav, au MacDez, avec le groupe Distillery. Allez, venez-y nombreux et ça commencera à 20h. En attendant, voici Vandalen. Ça s'appelle Hot for Teacher. Thank you. future's gonna look like this here. Donc à l'instant dans le Metal Express avec Hot for Teacher, sorti en 1984. Oh ce soir, on va un petit peu déborder. En attendant, voici Striper, ça s'appelle To Hell With The Devil. C'est sorti en 1986. Allez, bonne écoute! Speak of the devil. He knows when the mind. Le groupe Striper, donc, avec To Hell With The Devil, sorti en 1986. Disais bien tout à l'heure, on va déborder et on va déborder. Allez, voici Riot, ça s'appelle Swirl and the Tequila, extrait de l'album Fire Down Under, sorti en 1981. Allez, bonne écoute dans le Metal Express. Ce spécial Metal 80 est terminé, ça passe trop vite. Le prochain donc ce sera le 2 avril avec moi. Je vais vous expliquer pourquoi, ça va être très simple. Donc nous on se retrouve donc lundi prochain à la même heure, c'est-à-dire 19h-21h. Et cette émission, donc, vous pouvez la réécouter sur Fréquence Zik mercredi à partir de 21h jusqu'à 23h. Oui, c'est un nouvel horaire. Et vous pouvez la réécouter également samedi sur Radio Bourrin à partir de 20h jusqu'à 22h. Donc je vais revenir donc sur ce fameux nouvelle émission que je voulais vous en parler justement de spécial Metal 80, donc ce sera à la mi-mars. Nouvelle émission au nom de Purgatoire avec Jeff, mon ami, qui commencera très très bientôt. Donc ça sera sur la page Facebook Radio Heavy Metal et ça sera à partir de 19h jusqu'à 20h. Voilà. Donc pour ceux qui aiment le Metal 80, garanti, il va nous sortir du bon. En attendant, donc, je vous rappelle que nous avons une boîte mail que je vous donne. C'est radioheavymetal76@gmail.com. Il y a la page Facebook. Vous allez y faire un petit tour, un petit like. Ne vous coûte rien. Merci. Allez, en attendant, je vous souhaite une très très bonne semaine. À lundi. Allez, ciao !